La cité de Dieu de Saint Augustin, livre 13e, de la mort, tome 3e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cessé. Chapitre 8. Les saints, en subissant la première mort pour la vérité, se sont affranchis de la seconde. À considérer la chose de plus près, on trouvera que ceux mêmes qui meurent pour la vérité ne le font que pour se garantir de la mort, et qu'ils n'en souffrent une partie que pour l'éviter tout entière. En effet, s'ils endurent la séparation de l'âme et du corps, c'est de peur que Dieu ne se sépare de l'âme, et qu'ainsi la première mort ne soit suivie de la seconde qui ne finira jamais. Ainsi, encore une fois, la mort n'est bonne à personne, mais on la souffre pour conserver ou pour acquérir quelque bien. Et quant à ce qui arrive après la mort, on peut dire à ce point de vue que la mort est mauvaise pour les méchants et bonne pour les bons, puisque les âmes des bons séparées du corps sont dans le repos, et que celles des méchants sont dans les tortures jusqu'à ce que les corps des uns revivent pour la vie éternelle, et ceux des autres pour la mort éternelle, qui est la seconde mort. Chapitre 9. Quel est l'instant précis de la mort, ou de l'extinction du sentiment de la vie, et, s'il le faut fixer au moment où l'on meurt, ou à celui où on est mort? Le moment où les âmes séparées du corps sont heureuses ou malheureuses est-il le moment même de la mort ou celui qui la suit? Dans ce dernier cas, ce ne serait pas la mort, puisqu'elle est déjà passée, mais la vie ultérieure, la vie propre à l'âme, qu'on devrait appeler bonne ou mauvaise. La mort, en effet, est mauvaise quand elle est présente, c'est-à-dire au moment même de la mort, parce que dans ce moment le mourant ressent de grandes douleurs, lesquelles sont un mal, dont les bons savent d'ailleurs bien user. Mais comment, lorsque la mort est passée, peut-elle être bonne ou mauvaise, puisqu'elle a cessé d'être? Il y a plus, si nous y prenons garde, nous verrons que les douleurs même des mourants ne sont pas la mort. Ils vivent tant qu'ils ont du sentiment, et ainsi ils ne sont pas encore dans la mort, qui ôte tout sentiment, mais dans les approches de la mort, qui seules sont douloureuses. Comment donc appelons-nous mourants ceux qui ne sont pas encore morts et qui agonisent, nul n'étant mourant qu'à condition de vivre encore? Ils sont donc tout ensemble vivants et mourants, c'est-à-dire qu'ils s'approchent de la mort en s'éloignant de la vie. Mais après tout, ils sont encore en vie, parce que l'âme est encore unie au corps. Que si, lorsqu'elle en sera sortie, on ne peut pas dire qu'ils soient dans la mort, mais après la mort, quand sont-ils donc dans la mort? D'une part, nul ne peut être mourant, si nul ne peut être ensemble mourant et vivant, puisqu'évidemment, tant que l'âme est dans le corps, on ne peut nier qu'on ne soit vivant. Et d'autre part, si on dit que celui-là est mourant qui tend vers la mort, je ne sais plus quand on est vivant. Chapitre 10. La vie des mortels est plutôt une mort qu'une vie. En effet, dès que nous avons commencé d'être dans ce corps mortel, nous n'avons cessé de tendre vers la mort, et nous ne faisons autre chose pendant toute cette vie. Si toutefois il faut donner un tel nom à notre existence passagère. Y a-t-il personne qui ne soit plus proche de la mort dans un an qu'à 7 heures, et demain qu'aujourd'hui, et aujourd'hui qu'hier? Tout le temps que l'on vit est autant de retranchés sur celui que l'on doit vivre, et ce qui reste diminue tous les jours, de sorte que tout le temps de cette vie n'est autre chose qu'une course vers la mort, dans laquelle il n'est permis à personne de se reposer ou de marcher plus lentement, tous y courent d'une égale vitesse. En effet, celui dont la vie est plus courte ne passe pas plus vite un jour que celui dont la vie est plus longue, mais l'un a moins de chemin à faire que l'autre. Si donc nous commençons à mourir, c'est-à-dire à être dans la mort, du moment que nous commençons à avancer vers la mort, il faut dire que nous commençons à mourir dès que nous commençons à vivre. De cette manière, l'homme n'est jamais dans la vie, s'il est vrai qu'il ne puisse être ensemble dans la vie et dans la mort. Ou plutôt ne faut-il point dire qu'il est tout ensemble dans la vie et dans la mort? Dans la vie, parce qu'elle ne lui est pas tout à fait ôtée, dans la mort, parce qu'il meurt à tout moment? Si en effet il n'est point dans la vie, que lui est-il donc retranché? Et s'il n'est pas dans la mort, qu'est-ce que ce retranchement même? Quand toute vie a été retranchée au corps, ces mots après la mort n'auraient pas de sens, si la mort n'était déjà, lorsque se faisait le retranchement. Car dès qu'il est fait, on n'est plus mourant, on est mort. On était donc dans la mort au moment où était retranchée la vie. Chapitre 11e. Si l'on peut dire qu'un homme est en même temps mort et vivant. Mais s'il est absurde de dire qu'un homme soit dans la mort avant qu'il soit arrivé à la mort, ou qu'il soit ensemble vivant et mourant, par la même raison qu'il ne peut être ensemble veillant et dormant, je demande quand il sera mourant. Avant que la mort ne vienne, il n'est pas mourant, mais vivant, et, lorsqu'elle sera venue, il ne sera pas mourant, mais mort. Or, l'une de ces deux choses est avant la mort, et l'autre après. Quand sera-t-il donc dans la mort pour pouvoir dire qu'il est mourant? Comme il y a trois moments distincts, avant la mort, dans la mort et après la mort, il faut aussi qu'il y ait trois états qui y répondent, c'est-à-dire être vivant, être mourant, être mort. Il est donc très difficile de déterminer quand un homme est mourant, c'est-à-dire dans la mort, en sorte qu'il ne soit ni vivant ni mort. Car tant que l'âme est dans le corps, surtout si le sentiment n'est pas éteint, il est certain que l'homme vit. Et dès lors il ne faut pas dire qu'il est dans la mort, mais avant la mort. Et lorsque l'âme a quitté le corps et qu'elle lui a ôté tout sentiment, l'homme est après la mort, et l'on dit qu'il est mort. Je ne vois pas comment il peut être mourant, c'est-à-dire dans la mort, puisque s'il vit encore, il est avant la mort, et que, s'il a cessé de vivre, il est après la mort. De même, dans le cours des temps, on cherche le présent, et on ne le trouve point, parce que le passage du futur au passé n'a aucune étendue appréciable. Ne faut-il point conclure de là qu'il n'y a point de mort du corps? Car s'il y en a une, quand est-elle, puisqu'elle n'est en personne et que personne n'est en elle? En effet, si l'on vit, elle n'est pas encore, et si l'on a cessé de vivre, elle n'est plus. D'un autre côté, s'il n'y a point de mort, pourquoi dit-on avant ou après la mort? Ah! Plût à Dieu que nous eussions assez bien vécu dans le paradis pour qu'en effet il n'y en eût point, au lieu que dans notre condition présente, non seulement il y en a une, mais elle est même si fâcheuse qu'il est aussi impossible de l'expliquer que de la fuir. Conformons-nous donc à l'usage, comme c'est notre devoir, et disons de la mort, avant qu'elle n'arrive, ce qu'en dit l'Écriture, ne louez personne avant sa mort. Ecclésiaste 11, 30. Disons aussi, lorsqu'elle est arrivée, telle ou telle chose s'est faite après la mort de celui-ci ou de celui-là. Disons encore, autant que possible, du temps présent, telle personne en mourant a fait son testament, et elle a laissé en mourant telle et telle chose à telles et telles, quoiqu'elle n'ait pu rien faire de cela si elle n'était vivante, et qu'elle l'ait plutôt fait avant la mort que dans la mort. Parlons aussi comme parle l'Écriture, qui déclare positivement que les morts même sont dans la mort. Elle dit en effet, « Il n'est personne dans la mort qui se souvienne de vous. Psaume 6, 6. Aussi bien, jusqu'à ce qu'ils ressuscitent, on dit fort bien qu'ils sont dans la mort, comme on dit qu'une personne est dans le sommeil jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et cependant, quoique nous appelions dormants ceux qui sont dans le sommeil, nous ne pouvons pas appeler de même mourants ceux qui sont déjà morts. Car la séparation de leur âme et de leur corps étant accomplie, on ne peut pas dire qu'ils continuent de mourir. Et voilà toujours cette difficulté qui revient d'exprimer une chose qui paraît inexprimable, à savoir comment on peut dire d'un mourant qu'il vit, ou d'un mort qu'après la mort il est dans la mort, surtout quand le mot mourant n'est pas pris dans le sens de dormant, c'est-à-dire qui est dans le sommeil, ou de languissant, c'est-à-dire qui est dans la langueur, et qu'on appelle mort, et non pas mourant, celui qui est dans la mort et attend la résurrection. Je crois, et cette opinion n'a rien de téméraire ni d'invraisemblable, à ce qu'il me semble, que si le verbe mori, mourir, ne peut se décliner comme les autres verbes, c'est la suite, non d'une institution humaine, mais d'un décret divin. En effet, le verbe oriri, se lever, entre autres, fait au passé hortus est, tandis que mori fait mortuus, et redouble la lettre u. Ainsi on dit mortuus comme fatuus, arduus, conspicuus, et autres mots qui sont des adjectifs ne se déclinant pas selon les temps, et non des participes. Or, mortuus est pris comme participe passé, comme si ce qu'on ne peut décliner devait se décliner. Il est donc arrivé, par une raison assez juste, que, de même que la mort ne peut se décliner, le mot qu'il exprime est aussi indéclinable. Mais au moins pouvons-nous décliner la seconde mort, avec la grâce de notre Rédempteur? Celle-là est la pire de toutes. Elle n'a pas lieu par la séparation de l'âme et du corps, mais plutôt par l'union de l'une et l'autre pour souffrir ensemble une peine éternelle. C'est là que les hommes seront toujours dans la mort et toujours mourants, parce que cette mort sera immortelle. Chapitre 12. De quelle mort Dieu entendait parler, quand il menaça de la mort les premiers hommes, s'il contrevenait à son commandement? Quand on demande de quelle mort Dieu menaça les premiers hommes en cas de désobéissance, si c'était de celle de l'âme ou de celle du corps, ou de toutes les deux ensemble, ou de celle qu'on nomme la seconde mort, il faut répondre, de toutes. De la même manière que toute la terre est composée de plusieurs terres, et toute l'église de plusieurs églises, ainsi toute la mort est composée de toutes les morts. La première mort, en effet, comprend deux parties, la mort de l'âme et celle du corps, alors que l'âme, séparée de Dieu et du corps, est soumise à une expiation temporaire, et la seconde mort a lieu quand l'âme, séparée de Dieu et réunie au corps, souffre des peines éternelles. Lors donc que Dieu dit au premier homme qu'il avait mis dans le paradis terrestre, en lui parlant du fruit défendu, « Du jour que vous en mangerez, vous mourrez », Genèse 2, 17. Cette menace ne comprenait pas seulement la première partie de cette première mort, qui sépare l'âme de Dieu, ni seulement la seconde partie, qui sépare l'âme du corps, ni seulement toute cette première mort qui consiste dans le châtiment temporaire de l'âme séparée de Dieu et du corps, mais toutes les morts, jusqu'à la dernière, qui est la seconde mort, et après laquelle il n'y en a point. Chapitre 13. Quel fut le premier châtiment de la désobéissance de nos premiers parents? Abandonnés de la grâce de Dieu aussitôt qu'ils eurent désobéi, ils rougirent de leur nudité. C'est pour cela qu'ils se couvrirent de feuilles de figuier, les premières sans doute qui se présentèrent à eux dans le trouble où ils étaient, et en cachèrent leur partie honteuse, dont ils n'avaient pas honte auparavant. Ils sentirent donc un nouveau mouvement dans leur chair devenue indocile en représailles de leur propre indocilité. Comme l'âme s'était complue dans un mauvais usage de sa liberté et avait dédaigné de se soumettre à Dieu, le corps refusa de s'assujettir à elle, et de même qu'elle avait abandonné volontairement son Seigneur, elle ne put désormais disposer à sa volonté de son esclave, ni conserver son empire sur son corps, comme elle eût fait si elle fût demeurée soumise à son Dieu. Ce fut alors que la chair commença à convoiter contre l'esprit, Galates 5, 17, et nous naissons avec ce combat, traînant depuis la première faute un germe de mort, et portant la discorde trop souvent victorieuse dans nos membres rebellés dans notre nature corrompue. Chapitre 14. Que l'homme créé innocent ne s'est perdu que par le mauvais usage de son libre arbitre. Dieu, en effet, auteur des natures et non des vices, a créé l'homme pur, mais l'homme corrompu par sa volonté propre et justement condamné, a engendré des enfants corrompus et condamnés comme lui. Nous étions véritablement tous en lui, alors que nous étions tous cet homme qui tomba dans le péché par la femme tirée de lui avant le péché. Nous n'avions pas encore reçu à la vérité notre essence individuelle, mais le germe d'où nous devions sortir était déjà, et comme il était corrompu par le péché, chargé des liens de la mort et frappé d'une juste condamnation, l'homme ne pouvait pas, naissant de l'homme, naître d'une autre condition que lui. Toute cette suite de misères auxquelles nous sommes sujets ne vient donc que du mauvais usage du libre arbitre, et elle nous conduit jusqu'à la seconde mort qui ne doit jamais finir, si la grâce de Dieu ne nous en préserve. Chapitre 15. En devenant pécheur, Adam a plutôt abandonné Dieu, que Dieu ne l'a abandonné, et cet abandon de Dieu a été la première mort de l'âme. On remarquera peut-être que dans cette parole, « Vous mourrez de mort », Genèse 2, 17, mort est mis au singulier et non au pluriel. Mais alors même que sur ce fondement on réduirait la menace divine à cette seule mort qui a lieu quand l'âme est abandonnée de Dieu. Par où il ne faut pas entendre que ce soit Dieu qui abandonne l'âme le premier, car la volonté de l'âme prévient Dieu pour le mal, comme la volonté de Dieu prévient l'âme pour le bien, soit pour la créer quand elle n'est pas encore, soit pour la recréer après qu'elle a failli. Alors, dis-je, qu'on n'entendrait que cette seule mort, et que ces paroles de Dieu, du jour que vous en mangerez, vous mourrez de mort, serait prise comme s'il disait « Du jour que vous m'abandonnerez par désobéissance, je vous abandonnerai par justice. » Il n'en est pas moins certain que cette mort comprenait en soi toutes les autres, qui en étaient une suite inévitable. Déjà ce mouvement de rébellion qui s'éleva dans la chair contre l'âme devenue rebelle et qui obligea nos premiers parents à couvrir leur nudité, leur fit sentir l'effet de cette mort qui arrive quand Dieu abandonne l'âme. Elle est marquée expressément dans ces paroles que Dieu adresse au premier homme qui se cachait tout éperdu. Adam, où es-tu ? Genèse 3:9. Car il ne le cherchait pas comme s'il eût ignoré où il était, mais il lui faisait sentir que l'homme ne sait plus où il est quand Dieu n'est plus avec lui. Plus tard, lorsque l'âme de nos premiers parents abandonna leurs corps épuisés de vieillesse, ils éprouvèrent cette autre mort, nouveau châtiment du péché de l'homme, qui avait fait dire à Dieu « Vous êtes terre, et vous retournerez en terre ». Genèse 3:9. Afin que ces deux morts accomplissent ensemble la première qui est celle de l'homme entier, et qui est à la fin suivie de la seconde, si la grâce de Dieu ne nous en délivre. En effet, Le corps qui est de terre ne retournerait point en terre, si l'âme qui est sa vie ne le quittait. Et c'est pour cela que les chrétiens, sincèrement attachés à la foi catholique, croient fermement que la mort même du corps ne vient point de la nature, mais qu'elle est une peine du péché et un effet de cette parole que Dieu, châtiant le péché, dit au premier homme en qui nous étions tous alors, « Tu es terre, et tu retourneras en terre. » Chapitre 16. Contre les platoniciens, qui ne veulent pas que la séparation du corps et de l'âme soit une peine du péché. Les philosophes contre qui nous avons entrepris de défendre la cité de Dieu, c'est-à-dire son Église, pensent être bien sages quand ils se moquent de nous au sujet de la séparation de l'âme et du corps, que nous considérons comme un des châtiments de l'âme, car à leurs yeux l'âme n'atteint la parfaite béatitude que lorsqu'entièrement dépouillée du corps, elle retourne à Dieu dans sa simplicité, dans son indépendance et comme dans sa nudité primitive. Note. C'est le sentiment de Platon dans le Phèdre et dans le Timée de Platon, c'est aussi celui de Plotin dans les Énéades, et de tous les néoplatoniciens d'Alexandrie. Fin de la note. Ici peut-être, si je ne trouvais dans leur propre livre de quoi les réfuter, je serais obligé d'entrer dans une longue discussion pour montrer que le corps n'est à charge à l'âme que parce qu'il est corruptible. De là ce mot de l'Écriture, déjà rappelé au livre précédent. Le corps corruptible appesantit l'âme. Sagesse 11, 15. L'Écriture dit corruptible, pour faire voir que ce n'est pas le corps en soi qui appesantit l'âme, mais le corps dans l'état où il est tombé par le péché, et elle ne le dirait pas que nous devrions l'entendre ainsi. Mais quand Platon déclare en termes formels que les dieux inférieurs créés par le Dieu souverain ont des corps immortels, quand il introduit ce même Dieu promettant à ses ministres comme une grande faveur qu'ils demeureront éternellement unis à leur corps, sans qu'aucune mort les en sépare, comment se fait-il que nos adversaires, dans leur zèle contre la foi chrétienne, feignent de ne pas savoir ce qu'ils savent, et s'exposent à parler contre leurs propres sentiments, pour le plaisir de nous contredire? Voici, en effet, d'après Cicéron, qui les traduit, les propres paroles que Platon prête au Dieu souverain s'adressant au Dieu créé. Dieu, Fils de Dieu, considérez de quels ouvrages je suis l'auteur et le père. Ils sont indissolubles, parce que je le veux, car tout ce qui est composé peut se dissoudre, mais il est d'un méchant de vouloir séparer ce que la raison a uni. Ainsi, ayant commencé d'être, vous ne sauriez être immortel, ni absolument indissoluble. Mais vous ne serez jamais dissous et vous ne connaîtrez aucune sorte de mort, parce que la mort ne peut rien contre ma volonté, laquelle est un lieu plus fort et plus puissant que ce dont vous fûtes unis au moment de votre naissance. Voilà donc les dieux qui, tout mortels qu'ils sont, comme composés de corps et d'âme, ne laisse pas, suivant Platon, d'être immortels par la volonté du Dieu qui les a faits. Si donc c'est une peine pour l'âme d'être unie à un corps, quel qu'il soit, d'où vient que Dieu cherche en quelque sorte à rassurer les dieux contre la mort, c'est-à-dire contre la séparation de l'âme et du corps, et leur promet qu'ils seront immortels, non par leur nature, composé et non simple, mais par sa volonté? De savoir maintenant si ce sentiment de Platon touchant les astres est véritable, c'est une autre question. Nous ne tombons pas d'accord que ces globes de lumière qui nous éclairent le jour et la nuit et des âmes intelligentes et bienheureuses qui les animent, ainsi que Platon l'affirme également de l'univers, comme d'un grand et vaste animal qui contient tous les autres, mais, je le répète, c'est une autre question que je n'ai pas entrepris d'examiner ici. J'ai cru seulement devoir dire ce peu de mots contre ceux qui sont si fiers de s'appeler platoniciens, orgueilleux porteurs de manteaux, d'autant plus superbes qu'ils sont moins nombreux et qui rougiraient d'avoir à partager le nom de chrétien avec la multitude. Ce sont eux qui, cherchant un point faible dans notre doctrine, s'attaquent à l'éternité des corps, comme s'il y avait de la contradiction à vouloir que l'âme soit bien heureuse et qu'elle soit éternellement unie à un corps. Ils oublient que Platon, leur maître, considère comme une grâce que le Dieu souverain accorde au Dieu créé le privilège de ne point mourir, c'est-à-dire de n'être jamais séparé de leur corps. Note. Saint Augustin ayant cité ce passage du Timée, non pas d'après le texte, mais d'après la version de Cicéron, c'était pour nous un devoir de nous rapprocher de Cicéron plus que de Platon même. Comparer les divers interprètes, Leclerc, Pensée de Platon, Monsieur Cousin, tome 11, page 137, et Monsieur Henri Martin. Chapitre 17. Contre ceux qui ne veulent pas que des corps terrestres puissent devenir incorruptibles et éternels. Ces mêmes philosophes soutiennent encore que des corps terrestres ne peuvent être éternels, bien qu'ils ne balancent point à déclarer que toute la terre, qui est un membre de leur Dieu, non du Dieu souverain, mais pourtant d'un grand Dieu, c'est-à-dire du monde, est éternelle. Puis donc que le Dieu souverain leur a fait un autre Dieu, savoir le monde, supérieur à tous les autres dieux créés, et puisqu'ils croient que ce Dieu est un animal doué d'une âme raisonnable ou intellectuelle, qui a pour membre les quatre éléments, dont ils veulent que la liaison soit éternelle et indissoluble, de crainte qu'un si grand Dieu ne vienne à périr, pourquoi la terre, qui est comme le nombril dans le corps de ce grand animal, serait-elle éternelle et les corps des autres animaux terrestres ne le seraient-ils pas, si Dieu le veut? Il faut, disent-ils, que la terre soit rendue à la terre, et comme c'est de là que les corps des animaux terrestres ont été tirés, ils doivent y retourner et mourir. Mais si quelqu'un disait la même chose du feu, soutenant qu'il faut lui rendre tous les corps qui en ont été tirés pour en former les animaux célestes, que deviendrait l'immortalité promise par le Dieu souverain à tous ces dieux? Dira-t-on que cette dissolution ne se fait pas pour eux, parce que Dieu, dont la volonté, comme dit Platon, surmonte tout obstacle, ne le veut pas? Qui empêche donc que Dieu ne le veuille pas non plus pour les corps terrestres, puisqu'il peut faire que ce qui a commencé existe sans fin, que ce qui est formé de parties demeure indissoluble, que ce qui est tiré des éléments n'y retourne pas. Pourquoi ne ferait-il pas que les corps terrestres fussent impérissables? Est-ce que Dieu n'est puissant que tant que le veulent les platoniciens, au lieu de l'être autant que le croient les chrétiens? Vous verrez que les philosophes ont connu le pouvoir et les desseins de Dieu, et que les prophètes n'ont pu les connaître, c'est-à-dire que les hommes inspirés de l'Esprit de Dieu ont ignoré sa volonté, et que ceux-là l'ont découverte qui ne se sont appuyés que sur d'humaines conjectures. Il devait au moins prendre garde de ne pas tomber dans cette contradiction manifeste, de soutenir d'un côté que l'âme ne saurait être heureuse, si elle ne fuit toutes sortes de corps, et de dire de l'autre que les âmes des dieux sont bien heureuses quoiqu'éternellement unies à des corps, celles même de Jupiter, qui pour eux est le monde, étant liée à tous les éléments qui composent cette sphère immense de la terre aux cieux. Platon veut que cette âme s'étende, selon des lois musicales, depuis le centre de la terre jusqu'aux extrémités du ciel, et que le monde soit un grand et heureux animal dont l'âme parfaitement sage ne doit jamais être séparée de son corps, sans toutefois que cette masse composée de tant d'éléments divers puisse la retarder, ni la pesantir. Voilà les libertés que les philosophes laissent prendre à leur imagination, et en même temps ils ne veulent pas croire que des corps terrestres puissent devenir immortels par la puissance de la volonté de Dieu, et que les âmes y puissent vivre éternellement bien heureuses sans en être appesanties, comme font cependant leurs dieux dans des corps de feu, et Jupiter même, le roi des dieux, dans la masse de tous ces éléments. S'il faut qu'une âme, pour être heureuse, fuit toutes sortes de corps, que leur dieu abandonne donc les globes célestes, que Jupiter quitte le ciel et la terre, ou s'il ne peut s'en séparer, qu'il soit réputé misérable. Mais nos philosophes reculent devant cette alternative. Ils n'osent point dire que leur dieu quitte leur corps, de peur de paraître adorer des divinités mortelles, et ils ne veulent pas les priver de la félicité, de crainte d'avouer que des dieux sont misérables. Concluons qu'il n'est pas nécessaire pour être heureux de fuir toutes sortes de corps, mais seulement ceux qui sont corruptibles, pesants, incommodes et moribonds, non tels que la bonté de Dieu les donna aux premiers hommes, mais tels qu'ils sont devenus en punition du péché. Note. Saint Augustin paraît se souvenir ici d'un passage où Cicéron, traduisant Euripide, s'exprime ainsi. Il faut que la terre soit rendue à la terre. Voyez les Tusculanes, livre 3 chapitre 25, ces vers d'Euripide. Des malheureux mortels, telle est la loi commune, aucun d'eux n'est exempt d'ennui, ni d'infortune. Le père au désespoir met son fils au cercueil, et lui-même à son tour met ses enfants en deuil. Mais quoi, quand la mort vient l'arrêter dans sa course, né d'un limon fragile, il retourne à sa source. Le sort ainsi le veut, que sert d'en frissonner, et la fatale faux nous doit tous moissonner. C'est la doctrine des Plotins, des Porphyres et de tous ces philosophes d'Alexandrie qui poussaient à l'extrême le spiritualisme de Platon. Voyez la belle discussion de Saint Augustin contre Porphyre, au livre 10, chapitre 29. Voyez le Timée, de la nature, par Platon. Page 120 et suivante, l'auteur du monde, dit Platon, ayant achevé à son gré la composition de l'âme, construisit au-dedans d'elle tout ce qui est corporel, rapprocha l'un de l'autre le centre du corps et celui de l'âme, les unit ensemble, et l'âme, infuse partout, depuis le milieu jusqu'aux extrémités, et enveloppant le monde circulairement, introduisit par son mouvement sur elle-même le divin commencement d'une vie perpétuelle et bien ordonnée pour toute la suite des temps. Markemdanarchive.org 2019. D'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.